Chapitre 2e. Qu'est-ce donc, Seigneur, que l'âme humaine, ce miroir où se reflètent les images les plus diverses, les scènes les plus terribles, que l'instant d'après efface, sans qu'il en reste seulement un écho ou un souvenir? Ne vous est-il jamais arrivé, en ouvrant votre secrétaire pour y prendre de l'argent, afin de conduire votre maîtresse au bois, au bal ou au spectacle, de trouver, glissée entre les tiroirs et montrant un petit coin tout jauni, une lettre d'une femme que vous aimiez beaucoup alors, et qui vous dispensait largement beaucoup de joie ou beaucoup de douleur? Vous ouvrez la lettre, l'encre a pâli, le papier est encore un peu parfumé, comme une momie qu'on tire de sa caisse. Vous lisez, après avoir interrogé la pendule, qui vous a répondu de sa voix argentine, qu'il vous reste un quart d'heure pour être chez celle-là d'à présent, la femme bien-aimée. Vous lisez en souriant. Peu à peu, votre front devient plus sérieux. C'est le passé que vous venez d'évoquer et qui s'est dressé devant vous. Vous achevez la lettre, vous la rejetez dans le secrétaire, vous vous mettez à sourire ou à pleurer, c'est selon, et vous vous écriez, pauvre Louise. L'heure sonne. Ah mon Dieu, faites-vous en mettant vos gants. Et cette pauvre Mathilde qui m'attend. Et tout est fini, oublié. J'ai remarqué que lorsqu'un amour était mort, on disait bien parfois une messe pour lui. Mais il n'y a jamais de bout de l'an. Voilà que je ne sais plus où j'en suis. Je voulais cependant vous conter une intéressante histoire et je m'étais arrangé pour cela. Par ma foi, j'étais dans la meilleure intention du monde de vous divertir un instant et puis mon écheveau s'est embrouillé et... M'y voilà, je crois. La présence de Geneviève avait donc, comme par magie, effacé l'heure d'angoisse qu'Hermann venait de passer. Que tu as tardé, ma Geneviève? J'ai compté 10 heures, l'heure fixée pourtant, le quart, puis la demie. Voici la soirée qui s'avance et bien du bonheur que tu me prends. Hermann, cher Hermann, ce n'est pas ma faute si tu savais. Tais-toi, ne me parle pas. Je ne veux pas de toi un mot de regret ou d'explication. Je t'aime, tu m'aimes aussi. Tu n'es pas venu trop tard, c'est mon cœur qui t'attendait trop tôt. Maintenant, laisse-moi regarder tes beaux yeux et ton cou si blanc. As-tu toujours l'anneau d'argent que je t'ai donné il y a 15 jours, ce dimanche où nous nous sommes fiancés? Oui, le voilà. Tu ne le quittes jamais au moins, n'est-ce pas? C'est un talisman, vois-tu? Mon Dieu, que tu es belle aujourd'hui, Geneviève, et que je t'aime. Hermann, quelle est l'heure de la journée que tu préfères? Folle, pourquoi cette question? Que veux-tu, mon ami? En venant chez toi, je levais les yeux au ciel. J'admirais ces larmes des anges qu'on nomme des étoiles. La lune qui montait toute pâle au ciel et je m'enivrais de cette souriante soirée. Mais le matin n'est-il pas beau aussi, avec les laboureurs dans les prés verts, les maisons endormies qui s'ouvrent, l'alouette qui chante, les fleurs qui boivent la rosée de la nuit, la jeune fille qui se lève et peigne ses beaux cheveux devant sa glace, l'enfant qui va embrasser sa mère, et le jeune homme qui marche fièrement à son travail quotidien. Tiens, Hermann, je crois que nous ne voyons toutes ces choses belles ainsi que parce que nous nous aimons. Qu'est-ce que l'amour, Hermann, et pourquoi nous aimons-nous? L'amour, ma Geneviève? Tu me demandes le secret de Dieu. Pourtant, je vais essayer de te répondre. Quand nous naissons, Dieu met au fond de nos cœurs une petite graine. Lorsque le soleil de 16 ans arrive, un de ses rayons la touche, et il en sort une tige flexible qui grandit rapidement, jusqu'à ce qu'elle ait entouré le cœur tout entier de ses frères rameaux. Qu'il passe alors sur votre route un jeune homme ou une jeune fille, dont le regard rencontre le vôtre, il s'ouvre alors une belle fleur qui répand dans toute votre âme un parfum enivrant, et qui ne meurt qu'après un grand orage ou de longs jours passés à la respirer. Cette fleur, c'est l'amour. Oh, je comprends, Hermann. Et voilà pourquoi, lorsque je t'ai rencontré, j'ai senti tout mon être tressaillir. C'est que j'allais aimer, et pour la première fois, mêler dans mes prières du soir un nom à celui de ma mère. Maintenant, cher et douce enfant, reprit Hermann, tu veux savoir pourquoi nous nous aimons? Oh, quant à cela, je ne puis rien te répondre. Nous nous aimons, je crois, parce que Dieu a eu pitié de moi, qu'il m'a vu tout triste et tout mourant de la blessure que m'avait faite une femme, et qu'il m'a envoyé un de ses anges les plus purs et les plus chastes que les hommes appellent Geneviève et qui a pour mission de me rendre à l'espérance et au bonheur. Ils causèrent ainsi longtemps, les mains dans les mains, se regardant tous les deux, pour lire dans leurs yeux d'éternelles promesses d'amour et de fidélité. Ils causèrent ainsi, sans s'apercevoir tant ils étaient heureux, que l'heure fuyait, rapide, et que le moment de se séparer arriverait bientôt. Et la lune montait toujours au ciel, joyeuse d'éclairer ces deux beaux et purs fiancés. Et si vous aviez pu vous cacher dans cette chambre, vous eussiez entendu comme un murmure qui caressait les roses blanches et les clématites de la fenêtre, bruit des ailes de l'ange des chastes amours, descendu du ciel à la voix de nos deux amants. Minuit sonna. « Minuit ! » s'écria Geneviève. « Adieu, mon Hermann, adieu. »« Geneviève, tu as raison, il faut nous séparer. Je vais t'accompagner. Ah, qu'il me tarde de le voir arriver ce jour où ma maison sera la tienne, où tu ne quitteras plus ton époux. Mais il faut pour cela que je sois docteur, en maudite science. » Il ferma la fenêtre et prit sa casquette de velours. « Geneviève, avant de nous séparer, répète-moi encore que tu m'aimes et n'aimeras que moi. » Geneviève le regarda en souriant avec amour et lui tendit la main en disant « J'aime mon Hermann et n'aimerai jamais que lui. Merci Geneviève, oh merci. Maintenant, nous pouvons partir. Tu m'as fait heureux jusqu'à demain. »